bye. Hey yo, maintenant la magie qui met le bail, yo, Pro Dabive, 2008. Frère de sang, c'est ici qu'on se la donne, donne pas. On restera des frères de sang. Sur le microphone, on est déterminés, toujours prêts à chanter. Ouais, ouais, ouais, la musique, notre seul allié. Avec tous nos potos présents, on va tout déchirer, boy. On restera des frères de sang. Sur le microphone, on est déterminés, toujours prêts à chanter. Ouais, ouais, ouais, la musique, notre seul allié. Avec tous nos potos présents, on va tout déchirer, boy. Si tu ne connais pas le Broda Vibe, c'est le moment d'écouter des lyrics comme une rafale de balles que tu ne peux éviter. On est là pour monter ton moral dans les soirées, faire danser. Mais lève le bras en l'air si avec nous t'es highway. On est de jeunes lions. Quoi qu'il arrive, on continuera de remplir notre mission. Ouais, la gaine a moté toute la foule comme le ferait Sisla ou Capleton. Juste deux frères, amis pour la vie dans la voix résonne. Again, à la gaine, à la gaine, toujours dans les sound system. Again, à la gaine, à la gaine, toujours pour les gens qu'on aime. Again, à la gaine, à la gaine, toujours dans les sound system. Again, à la gaine, à la gaine, toujours pour les gens qu'on aime. Broda Vibes est là, prêt à mettre le fire. On a commencé comme ça et crois-moi, on lâchera pas. Broda Vibes est là, lyrique Algeria. Passionné par la musique, ce message s'adresse à toi. Ouais. On restera des frères de sang. Sur le microphone, on est déterminés, toujours prêts à chanter. Ouais, ouais, ouais, la musique, notre seul allié. Avec tous nos potos présents, on va tout déchirer, boy. On restera des frères de sang. Sur le microphone, on est déterminés, toujours prêts à chanter. Ouais, ouais, ouais, la musique, notre seul allié. Avec tous nos potos présents, on va tout déchirer, boy. La musique nous a mis official, c'est la magie qui baille. Frères de sang, frère de la depuis déjà longtemps. Des mots, des phrases, des rimes sur des petits bouts de papier. Des rythme en pagaille, on s'est mis à écouter. C'est le début du Broda Vibes, un flow qui est de taille. Bien sûr qu'il y a des failles, c'est pour ça qu'on travaille. Voici venus les premiers sons de système, les premiers jeux de scène. Un public qui se déchaîne au passage, merci et j'enchaîne. C'est le Broda, c'est le Broda, c'est le Broda Vibes qui vient mettre main dans la magie, qui met le bail, qui décline, qui dégaine. Des lyrics et des thèmes sur la musique qu'on aime. Avec tous nos potos présents, y'a pas de problème. Alors, laisse les mains dans la macro, les soirées. Main dans la magie, qui met le bail, reviennent tout niquer. Alors, laisse les mains dans la macro, les soirées. Main dans la magie, qui met le bail, Broda va bien chanter. Bah on restera des frères de sang. Sur le microphone, on est déterminés, toujours prêts à chanter. Ouais, ouais, ouais, la musique, notre seul allié. Avec tous nos potos présents, on va tout déchirer, boy. On restera des frères de sang. Sur le microphone, on est déterminés, toujours prêts à chanter. Ouais, ouais, ouais, la musique, notre seul allié. Avec tous nos potos présents, on va tout déchirer, boy. Frères de sang. Mais pas la peine de venir nous tester si tu ne sais pas à quoi t'attendre. Frères de sang. Sur le mic, sur le mic, sur le mic, on est présent pour que la vibe soit plus grande. Frère de sang. Mais pas la peine de venir nous tester si tu ne sais pas à quoi t'attendre. Frère de sang. Sur le mic, sur le mic, sur le mic, on est présent pour que la vibe soit plus grande.